Chapitre 4. Le printemps avait donné toutes ses fleurs, le mois de juin finissait, et la fenaison venait de commencer. Dans le vallon de Germaine, où se trouvaient les prés de M. Delisle, les foins coupés dressaient leurs meules odorantes. Le maître, imbrité sous un large chapeau de paille, surveillait les faneurs occupés à charger la première charrette. Les ombres, qui tombaient déjà plus grandes du haut des collines boisées, indiquaient que la journée tirait à sa fin. Et le paresseux Évonime, après avoir fait la sieste sur un tas de foin, épiait gravement le long du ruisseau le manège des écrevisses qui venaient de temps en temps se percher sur les balances posées par les faucheurs. Derrière une meule, à deux pas d'une fontaine qui descendait du bois, Antoinette, les cheveux tout semés de brins d'herbe, devisait avec Jacques Duhou, et le sévère forestier ne semblait nullement se déplaire en sa compagnie. Malgré ses belles résolutions, Jacques avait subi l'influence de l'Ondine. Les épirosées du trèfle d'eau contenaient un charme, et ce charme avait opéré lentement, mais sûrement. M. Delisle était retourné à l'auberge de Pitoiset, et cette fois, ses avances avaient été moins froidement accueillies. Un soir, Évonime avait décidé Jacques à l'accompagner aux corderies, et depuis, ce dernier y était allé seul plusieurs fois. Après tout, la vie d'Aubrive était si monotone, l'auberge si bruyamment achalandée, que la maison de M. Delisle, avec sa cuisine enfumée, son grand salon nu et son petit jardin en terrasse, paraissait en comparaison un paradis hospitalier. D'ailleurs, on ne pouvait travailler constamment. Après les courses en forêt, il fallait bien se délasser par une heure ou deux de conversations gaies et familières, et aux corderies seulement, on pouvait trouver à causer d'une façon intelligente. Telles étaient les raisons que Jacques se donnait à lui-même pour légitimer ses fréquentes visites. M. Delisle accueillait très chaleureusement le forestier. « Ce garçon me va, » disait-il à Antoinette. « Il est modeste, et avec cela c'est un puits de science. Il y a plaisir et profit à échanger ses idées avec lui. Ce garçon-là ira loin. » En attendant, ce garçon allait aux corderies. Il allait même un peu plus que de raison, au dire des bonnes dames d'Aubrive, qui trouvaient M. Delisle bien imprudent et Antoinette bien étourdie. Il y dînait de temps à autre et accompagnait souvent M. Delisle dans ses courses au bois. Ce jour-là, on était parti dès le matin, on avait déjeuné sur l'herbe, et on comptait ne rentrer qu'avec les faneurs. Antoinette était dans une de ses veines de bonne humeur, et son rire léger s'envolait en notes perlées sous les arbres. Elle se leva tout à coup et se mit à escalader le sentier de chèvres qui côtoyait le lit du ruisseau. Jacques l'avait suivie dans sa promenade capricieuse, et ils arrivèrent ainsi à la naissance de la source qui sortait discrètement de terre sous un voile épais de cresson et de véronique. À deux pas s'étendait une plateforme ombragée de hêtres sous lesquelles on distinguait encore l'emplacement d'anciens fourneaux à charbon. Antoinette, essoufflée, se laissa tomber sur le seuil de la hutte des charbonniers et Jacques s'assit près d'elle. La jeune fille se livrait à toutes sortes de fantasques espiègleries, tantôt chantant à pleine voix une chanson rustique, tantôt essayant d'imiter les tris flûtés du loriot, ou en lassant de longues herbes dans ses cheveux. Jacques la contemplait sans rien dire, souriait parfois gravement dans sa barbe et semblait savourer lentement une joie profonde. Enfin, lasse de faire des agaceries aux oiseaux et d'effrayer les libellules, Antoinette renversa sa tête contre le mur de la hutte et, regardant le ciel à travers ses longs cils, « Qu'on est bien ici, » murmura-t-elle. « J'ai toujours rêvé de vivre dans une maisonnette comme celle-ci, perdue au fond des bois. » « Une chaumière et un cœur !» s'écria Jacques en riant. Quand Jacques était sérieux, sa figure avait des lignes rigides et presque dures. Mais, lorsqu'une fois il riait, il devenait un autre homme. Ses yeux noirs s'éclairaient, les traits de sa bouche s'adoucissaient, toute sa physionomie s'épanouissait et prenait une enfantine expression de bonté. Antoinette observait curieusement cette subite transformation. Elle secoua pensivement la tête et reprit. « Une chaumière ? Oui. Un cœur ? Cela dépendrait de bien des choses. Je serais très exigeante. » « Voyons, » dit Jacques en l'interrogeant doucement du regard, « qu'exigeriez-vous ? » Les sourcils d'Antoinette se rapprochèrent. Elle posa un doigt sur ses lèvres et eut l'air de chercher. « D'abord, » répondit-elle, « je le voudrais aimant et dévoué. » « Naturellement. Après, fière, superbe, n'obéissant à personne qu'à moi. Vous êtes exclusive. » « Oh, étrangement. » J'exigerai tous les sacrifices parce qu'à mon tour, je serai prêt à tout sacrifier. Les grands emportements d'amour m'ont toujours ravi, et je me suis promis de n'aimer qu'un homme capable de faire pour moi tous les sacrifices, toutes les folies. » Jacques était redevenu grave. Toutes les folies, répliqua-t-il. Non, je n'admets pas qu'on pousse celui qu'on prétend aimer à une de ces actions que le monde trop indulgent appelle des folies. La première chose à laquelle on doit tenir, c'est à l'honneur et la dignité de celui qu'on aime, le véritable amour vit d'estime. Le véritable amour vit de passion, s'écria impétueusement Antoinette. Je ne discuterai pas ce point-là avec vous. Je ne parle que des choses que je sais, répondit Jacques avec une attention ironique. Tout ce que je puis dire, c'est mon idéal à moi. Oh, votre idéal, répliqua-t-elle très excitée, je le connais. C'est une bonne petite provinciale, bien moutonne et bien soumise, qui irait aux vêpres le dimanche et passa le reste de la semaine à repriser des serviettes derrière sa fenêtre au rideau modestement tiré. Peut-être, fit-il d'un air pensif. La figure d'Antoinette prit une expression de dédain et de dépit. Je la vois d'ici, continua-t-elle, avec sa robe d'alpaga noire, un col uni, des mitaines de filet et des yeux. Elle s'arrêta et d'un ton provoquant. « De quelle couleur sont ses yeux ? » demanda-t-elle. Jacques se leva flegmatiquement, cueillit une Véronique dans la source et la tendant à Antoinette. « Bleu et doux comme cette fleur, » répondit-elle. Elle jeta la fleur par-dessus son épaule. « Bleu faïence, » poursuivit-elle avec un éclat de rire. « Je m'en doutais. »« Et comment l'appelle-t-on, votre petite bourgeoise ? Eulalie ? Brigitte ?» Jacques fronça les sourcils. « Je crois, » fit-il de son ton raide et hautain, « que la plaisanterie a été trop loin. » Nous parlons tous deux trop légèrement de choses qu'on doit respecter. Restons-en là. » Il fit quelques pas autour des hêtres en abattant les chardons à coups de badine. Antoinette, immobile et silencieuse, contemplait fixement les fleurettes de la source. Jacques, fâché de s'être laissé aller à un mouvement d'humeur, revint vers elle et lui prit la main. « Sans rancune, » dit-il avec embarras. Elle se mordit les lèvres. « De la rancune, et pourquoi donc ?» répondit-elle sans détourner la tête. « J'ai tort de plaisanter avec vous, pardonnez-le-moi. Cela ne m'arrivera plus. » Elle retira sa main, qui était froide comme une glace, et resta perdue dans sa contemplation. Au bout de quelques instants, on entendit un houp prolongé, et les grandes jambes d'Évonime parurent entre les cépés. « Eh bien, leur cria-t-il, on n'attend plus que vous pour partir. À quoi pensez-vous donc ?» Antoinette courut vers lui et s'appuya sur son bras pour descendre. Le soleil avait disparu. La charrette, chargée de sa montagne de foin, roulait déjà sur la route qui va de Germaine à Aubrive. Monsieur Delisle, avec les faneurs, s'avançait en tête des chevaux. Évonime suivait, donnant le bras à Antoinette. Jacques demeura seul en arrière, un peu boudeur et décontenancé. Voyant que Monsieur Delisle était tout à son foin et que les deux jeunes gens ne paraissaient pas s'occuper de lui, il ralentit le pas insensiblement. Bientôt il y eut une portée de fusil entre lui et ses compagnons. Il distinguait cependant les gestes animés d'Antoinette et le gros rire d'Ébonime. « Elle lui raconte notre querelle, » pensa Jacques, « et elle lui donne raison, naturellement, en se moquant de moi. » « En voilà un qui fait toutes ses volontés, qui dit oui à tous ses caprices. Il l'aime, parbleu, et c'est sur lui qu'elle a dû d'abord essayer la puissance de son ensorcelante beauté. Qui sait s'il ne songeait pas à Ébonime en parlant d'un cœur prêt à toutes ses folies. Et je n'ai pas compris, idiot que je suis, j'ai eu la sottise de m'enflammer, de prêcher comme si j'avais été en cause moi-même. Elle a dû me trouver souverainement ridicule. » Plus Jacques roulait dans sa tête cette nouvelle idée, plus elle lui semblait probable. Il se rappelait l'étrange visite d'Antoinette au Balclavin, les attentions et l'embarras d'Évonime, la façon dont son ami lui avait fait l'éloge de la jeune fille. Peu à peu, à l'aide d'une sorte d'hallucination, cette pensée, qui n'avait été d'abord qu'une simple hypothèse, revêtit toutes les apparences de la certitude. Antoinette avait du goût pour Ébonime, et la chose n'avait rien de surprenant. Ils avaient été élevés ensemble, leur famille se connaissait, Ébonime était riche, indépendant. Réflexion faite, tout était pour le mieux, et il devait, lui, s'estimer heureux d'avoir échappé à un amour qui aurait nui à son travail, chagriné sa famille et bouleversé son avenir. Pourtant, malgré toutes ces solides raisons, Jacques avait le cœur serré. Il était mécontent de lui et des autres, et se trouvant trop maussade, il quitta brusquement la grande route, prit un sentier à travers bois et rentra seul dans sa chambre d'auberge. Pendant plusieurs jours, il évita d'aller aux corderies. Enfin, une certaine après-midi, se sentant apaisé et plus maître de lui, il osa sonner à la petite porte de la maison. Antoinette était assise au piano, dans le salon dont les volets hermétiquement clos à cause du soleil ne laissait passer qu'un léger filet de lumière dorée. Sur le guéridon, un gros bouquet de réséda, de rosté, de jasmin répandait une odeur exquise. À l'arrivée de Jacques, Antoinette quitta son piano. Elle était plus séduisante que jamais, dans cette demi-obscurité où on voyait ses grands yeux luire comme deux émeraudes. Ses cheveux, séparés en de longues tresses, flottaient librement sur ses épaules et dans les plis de son corsage s'épanouissait un œillet rouge. « J'étais absurde l'autre soir, » dit Jacques brusquement, « et je viens vous prier d'accepter mes excuses. » Sans parler, elle lui serra vivement la main, puis, au bout de quelques instants, « Merci, » répondit-elle, « vous avez bien fait de venir. J'aurais été désolé si nous nous étions quittés fâchés. »« Quittés ?» murmura Jacques. « Est-ce que vous allez partir ?»« Sans doute. Voici la saison où mes grands-parents me réclament. Si je refusais leur invitation, je me brouillerais avec eux et mon père ne l'entend pas ainsi. Il compte sur mon grand-père pour me trouver, comme il dit, un établissement avantageux. » Elle avait prononcé ces derniers mots avec une emphase moqueuse. « Pourquoi, dit Jacques, laisseriez-vous d'autres le soin de disposer de vous? Je vous croyais assez indépendante pour prendre seule une détermination et faire vous-même un choix. « Oh, moi, dit-elle, quand on me mettra au pied du mur, je saurai bien parler. Mais j'ai le temps, ajouta-t-elle en riant, et jusqu'à ce jour, les soupirants n'ont pas trop assiégé la porte des corderies. « Il me semble cependant, dit Jacques, que j'en connais au moins un. » Elle le regarda d'un air moitié sérieux et moitié incrédule. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle. « Mais continuez, elle m'amuse. » Elle s'était accoudée sur le guéridon et jouait machinalement avec le vase plein de fleurs. « Je ne plaisante pas, » répliqua Jacques. « J'en connais un. » La main d'Antoinette quitta le vase brusquement. Ses yeux trahirent une subite émotion. « Vraiment ? » balbutia-t-elle. « Il y en a un. » Jacques fit un signe affirmatif. « Qui donc ?» demanda-t-elle d'une voix craintive, et tout en faisant cette demande, elle cacha sa figure dans les fleurs et les respira longuement. « Mais, répondit Jacques, c'est mon ami éponyme. » Elle se leva tout d'une pièce, repoussa du pied son fauteuil et regardant Jacques d'un air sombre. « Éponyme ! » s'écria-t-elle. « Est-ce qu'il vous a prié de parler pour lui ?»« Non !» murmura Jacques, frappé de l'expression presque tragique de la physionomie de la jeune fille. « J'avais supposé, j'avais cru remarquer, qu'il m'aimait. Et vous êtes en charge de plaider sa cause. Grand merci !» Elle était devenue très pâle et ses mains entrecroisées se tordaient convulsivement. « Pardon, » hasarda Jacques, « j'étais sottement indiscret, mais soyez persuadé qu'Éponyme... » Elle ne le laissa pas achever. « Éponyme ! » s'écria-t-elle avec violence, « je le déteste. Vous pouvez le lui dire, comme je le lui dirais s'il s'était donné la peine de venir en personne. » « Encore une fois, » protesta Jacques, « je vous jure qu'il ne m'a pas chargé de parler en son nom. » « Alors ? » s'écria-t-elle avec un sanglot dans la voix. « Pourquoi m'entretenez-vous de lui ? Est-ce une gageure ou une moquerie ?» Ses yeux étaient pleins de larmes. Elle tourna le dos à Jacques et alla poser son front contre la vitre. Il y eut un moment de silence. Le jeune homme fit quelques pas vers elle et voulut de nouveau tenter de réparer ce malentendu. « Mademoiselle Antoinette ! » s'écria-t-il. « Laissez-moi ! » murmura-t-elle sans retourner la tête. « Je veux être seule. » Et comme il insistait... « Non !» ajouta-t-elle en frappant du pied avec colère. « Allez-vous-en » Il eut encore un moment d'hésitation, puis saisit brusquement son chapeau et sortit. Antoinette était restée immobile à la place. Les heures se passèrent, le soir vint, et le salon s'emplit d'une ombre épaisse. Lorsque Céline y entra pour ouvrir les volets, elle crut qu'Antoinette était partie, tant le silence était grand. Tout à coup, un sanglot vibra dans l'obscurité. « Antoinette !» s'écria Céline effrayée et poussant vivement les volets. « Qu'as-tu, ma petite fille ?» À la lueur vague du crépuscule, elle aperçut la jeune fille pelotonnée sur les coussins de la bergère et tout en larmes. « Laisse-moi !» dit Antoinette avec le geste farouche d'un animal blessé. Et sans ajouter un mot, elle s'enfuit dans sa chambre.